L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Dans très peu de temps, le réseau de 4 radiotélescopes nommé le Event Horizon Telescope, qui a déjà révélé de nouvelles données sur Sagittarius A-Star, le trou noir central de notre galaxie, ainsi que sur celui bien plus monstrueux de la galaxie M87, augmentera énormément ses capacités d'observation. Une trentaine de radiotélescopes du réseau ALMA au Chili, ainsi que le radiotélescope de 10 mètres du pôle sud, le bien nommé South Pole Telescope, rejoindront donc vers la fin de l'année le réseau de l'Event Horizon. L'ajout de ces unités permettra d'améliorer par un facteur 2 la résolution accessible, en créant un radiotélescope virtuel de la taille de la Terre. Shepard Dolman, du MIT, coordinateur du projet, précise que le radiotélescope ainsi constitué pourra faire des observations totalement inédites de Sagittarius A-Star et de son disque d'accrétion. Il devrait notamment pouvoir observer un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale qu'on appelle l'ombre du trou noir. La matière qui se retrouve à proximité du trou noir et un peu trop proche se voit irrémédiablement entraînée par le monstre. Elle se trouve littéralement déchirée par les forces gravitationnelles et est chauffée à plusieurs centaines de millions de degrés, illuminant ainsi la zone entourant le trou noir. La plupart de ce rayonnement tombe également dans le trou noir, mais la petite partie de la lumière qui frôle l'horizon du trou se retrouve incurvée par la gravité pour former un fin anneau ou halo qui vient dessiner l'ombre du trou. C'est en observant en détail la forme géométrique de cette ombre qu'il sera possible de tester si la relativité générale d'Einstein décrit correctement la distorsion de l'espace-temps observé, connaissant par ailleurs la masse de Sagittarius A-Star qui est de 4,1 millions de masses solaires et qui est à l'origine de cette courbure. Mais il existe un autre moyen de tester observationnellement la relativité générale en conditions extrêmes. Toujours autour de notre cher trou noir supermassif, une étoile brillante nommée S02, découverte il y a 20 ans, y gravite. Et il se trouve que S02 se rapproche en ce moment très près du trou noir. En 2018, elle parviendra à une distance du trou de seulement 4 fois la distance Soleil-Neptune. Le passage au plus près du trou de S02 sera exploité à la fois en observant la lumière émise par l'étoile et comment celle-ci se retrouve décalée vers le rouge par le champ gravitationnel ainsi que par l'enregistrement très fin de son mouvement orbital. L'observation du redshift gravitationnel offrira une image de la courbure de l'espace-temps produite par Sagittarius A-Star et la trajectoire reconstruite en 3 dimensions de l'étoile qui orbite autour du trou en 16 ans devrait montrer s'il existe un mouvement de précession de l'orbite dû aux effets relativistes et le quantifier. L'effet de précession est beaucoup plus difficile à mesurer que le décalage spectral, car l'environnement de Sagittarius A-Star est très encombré. Mais l'équipe qui s'est lancée dans cette quête, menée par Andrea Ghez de UCLA, la grande spécialiste de ce qui tourne autour de Sagittarius A-Star, a trouvé très récemment une étoile voisine, 16 fois moins brillante et ayant une orbite de 11,5 ans seulement, qui pourra aider à distinguer les perturbations gravitationnelles. 100 ans après les observations de Arthur Eddington, concluant à la courbure de la trajectoire de la lumière par le Soleil, qui donnèrent une preuve éclatante de la relativité générale einsteinienne, les astrophysiciens d'aujourd'hui vont pouvoir pousser la relativité générale dans ses retranchements en observant au plus près l'enfant très singulier de la théorie. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute sur www.saspasselahaut.fr. Bon été à tous et à toutes. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. À très bientôt.